Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Encore les gilets jaunes ». Alors, il s'agit de reparler des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes, mais surtout par rapport à la presse. Je crois qu'il y a une détestation, non seulement de Macron, de par les gilets jaunes, mais aussi de la presse en général, enfin des médias en général, hein, la télé et autres, en particulier BFM TV. Alors, je crois quand même que les journalistes, pour un certain nombre, commencent à faire quand même leur mea culpa par rapport au pouvoir en place et par rapport à la façon dont ils ont couvert le problème des gilets jaunes. Et j'ai trouvé dans Libération une tribune de Stéphane Delorme, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et qui est caractéristique quand même de ce que disent certains journalistes par rapport aux positions des médias face aux gilets jaunes. Les gilets jaunes demandent une égalité de traitement, y compris du traitement de l'information. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Certes, le mouvement a été largement couvert, ce qui est la moindre des choses, vu son importance, et au début avec bienveillance. Mais dès que des violences, entre guillemets, sont apparues, les médias, dans leur grande majorité, ont mis à distance le mouvement, cherchant de plus en plus nettement à le disqualifier. Or, de quelle violence parle-t-on? Il y a un fossé entre les flammes qui, à longueur de journée, flambaient sur les chaînes d'information en continu, en leur faisant un joli décor, et ce que vivait en termes d'engagement, de mobilisation, de solidarité, la grande majorité des manifestants. En contre-champ, il y a un fossé avec les vidéos de violences policières qui, elles, n'étaient pas ou peu montrées et qui ont trouvé un autre canal sur Internet, validant la thèse de deux poids, deux mesures. Ces images pouvaient très bien être utilisées par les médias une fois révélées. Mais ces médias se sont obstinés à ne pas les montrer. C'est en train de changer, mais très tard. Après le travail de recensement du journaliste David Dufresne sur un réseau social Twitter. Quant aux menaces ou violences subies par des journalistes, elles sont évidemment inacceptables, comme toute violence à l'égard des manifestants et des policiers. Égalité de traitement, là aussi. Mais si, ces derniers jours, on parle beaucoup des agressions des gilets jaunes contre les journalistes, il faut souvenir que le mois dernier, 24 rédacteurs et photoreporters portaient plainte pour confiscation de matériel et violences policières. En ce qui concerne la presse écrite, c'est aussi une question de langage. La presse parisienne, souvent, ne s'est même pas rendue compte de son mépris. Parler d'invisible, simplement parce qu'elle n'a pas l'habitude de parler d'eux. Ou dire que les gilets jaunes apprennent vite en politique, comme si avant ils étaient ignares. Le langage était révélateur de la méconnaissance de ces populations de province, tout juste bonnes pour la presse régionale. Il en fallut peu pour que les éditorialistes les accusent de racisme et d'homophobie, en gros d'être arriérés. La vitesse à laquelle les accusations sont apparues pour discréditer le mouvement révélait les réflexes d'une classe d'élite. Plus largement, la presse écrite n'a pas su hiérarchiser les priorités. Elle n'a pas été là où on l'attendait, sur la défense des droits fondamentaux. On est sidéré qu'on s'habitue à voir des policiers, parfois en civil, le LBD 40, lanceur de balles de défense, à la main tenue comme un fusil prêt à tirer sans que le pouvoir politique ne bronche et sans que la presse ne s'en offusque outre mesure. Or, j'ajouterais qu'il y a eu quand même énormément de blessés parmi les gilets jaunes. et des, ou même parmi des passants qui manifestaient pacifiquement ou qui simplement rentraient chez eux. Il ne faut pas lutter seulement contre les violences policières, mais contre cette théorie du maintien de l'ordre qu'on appelle tristement maintenant « à la française ». Belle fierté nationale, l'entreprise d'intimidation pour empêcher de manifester, qui était identifiable dès le 1er décembre, n'a pas non plus été la priorité de la presse. Résultat, elle s'est transformée en une volonté de criminaliser le fait même de manifester, le manifestant comme complice a priori des violences, selon le mot de Christophe Castaner. La presse semble s'habituer à tout. On a une presse incapable de dénoncer clairement ce qui est inadmissible. On l'a vu sur la vidéo des lycéens agenouillés. À force, la vidéo devient juste choquante, puis juste polémique. Il y a là aussi, au mieux, un manque d'analyse politique, au pire, une complaisance envers le pouvoir qui substitue une réponse policière et judiciaire à une réponse politique attendue et désirée, qui serait à la hauteur des enjeux de ce mouvement populaire. Plus de 5000 gardes à vue, plus de 200 peines de prison, près de 100 blessés graves. Le Monde diplomatique de janvier, qui fait un beau travail, cite un haut responsable des forces de maintien de l'ordre qui déclare que c'est toujours la police qui donne le degré de violence d'une manifestation. Règle qui devrait donc être le point de départ de toute analyse. La presse est à un tournant, dit Stéphane Delorme. Elle est fragilisée économiquement. Elle se croit obligée d'aller vite. Donc, elle cite l'AFP, des textes similaires se retrouvent dans tous les médias, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont tous d'accord. Elle cite les tweets d'hommes politiques au lieu de prendre le temps d'analyser. Elle sait bien qu'elle est suspectée du fait qu'elle est aux mains d'entrepreneurs incarnant une élite proche du pouvoir. Les journalistes doivent lutter contre ce soupçon d'être aux ordres et non se replier de manière corporatiste. Les journalistes qui font leur travail doivent se servir pleinement de leur liberté de s'exprimer. La presse est normalement le quatrième pouvoir, donc un contre-pouvoir. Elle doit pouvoir analyser et s'engager. Elle devrait faire attention à défendre la liberté de manifester et de circuler. Sinon, la liberté d'expression sera entravée à son tour. Voilà, je crois que c'est assez net, hein, et c'est ce que je répète souvent lors de mes chroniques, hein, on a vraiment l'impression d'avoir des médias à la botte du pouvoir politique et surtout du pouvoir économique. Hein, les analyses qui sont faites, minimiser certaines choses, ça relève véritablement d'une discrimination dans l'information. Je crois quand même que beaucoup de journalistes commencent à prendre conscience de la façon dont ils informent les populations, hein, même si ils disent ne pas avoir d'ordre à recevoir des 7 ou 8 groupes qui détiennent la totalité des médias en France. Hein, mais quand même, on voit quand même que l'information va souvent dans le même sens. Voilà ce que je voulais souligner. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.